La vache et le bouc. Conte. Une vieille femme avait une vache et un bouc. Ces animaux allaient paître dans la prairie et la vache revenait pour se faire traire. La vieille femme apportait du pain et du sel en donnant à la vache et lui disait: Prends, prends encore, ma petite mère. Seulement, tiens-toi bien tranquille. Le lendemain, le bouc revint du champ avant la vache, écarta les pattes et se mit devant la vieille, qui le menaça de son essuie-main, mais le bouc ne bougea pas. Il se souvenait que la veille, la vieille avait promis du pain et du sel à la vache pour qu'elle se tînt tranquille. La vieille femme, voyant que le bouc ne se retirait pas, prit un bâton et frappa l'animal. Lorsque le bouc s'éloigna, il vit la femme donner de nouveau du pain et du sel à la vache en la priant de rester tranquille. Il n'y a pas de justice ici-bas, pensa le bouc. Je ne bougeais pas, moi, et voilà que l'on me frappe. Alors, il se mit à courir, renversa le lait et donna un coup de corne à la vieille.